extrême, le service de l'eugénisme. Une marque traumatisée en cette anormalité. Parce que l'on le sentit, on pousse la rue d'Ormèche. Et le génome parfait, au rayon surgelé. En adhérent, vous pouvez maîtriser. Un carnet qui pénit, un résumé parfait. L'humanité des petits en tout cas, on est collé. Je ne peux plus être endormé, comme les rats de Becquerel. Du confort matériel, qui tue toute nouvelle race en quête de superficiel. Et très de l'idée.